Attention. Alors, on va chanter. Une petite chanson. La chanson. C'est quoi la chanson? La chanson. La cage aux oiseaux. Lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. je me demande pourquoi tu t'es maquillée. Si tu veux mon habit à moi, sans rien, tu es très très jolie. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu triches ma biche, je t'en prie de grâce. Laisse tes yeux sans rien. Je me souviens des soirs de danse, jour comme un jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous marchions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et que nous gardions dans la tête les jours là-bas du saison. Souvenir, souvenir. Oh, souvenir. Une fois trop de vacances, à de jolis candies. Celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. À de jolis candies. Toujours sur la plage. Pour dessiner un tout bizarre. J'avais pu dessiner sur le sable son tout visage qui me souriait. Puis il a pris aujourd'hui, c'est l'automne,